regarde ce que tu as fait de moi. Un fragile animal. Je cherche en vain la foi, mais elle est partie avec toi. Écoute ce qu'il reste de ma voix. Une fragile vibration, quelques mots, quelques sons qui s'échappent pour t'avouer que tu vas me manquer. Dans mes rêves je te vois nu, mais en réalité tu t'en prends de moi et de mes deux bras taillatés. En réalité tu es déjà chez lui en train de l'appeler comme tu m'appelais. Ce soir je crève et c'est mon dernier poème, ma dernière chanson, mon amour. Je te maudis jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de tes jours. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Thank you.